Depuis matin relevé, tombé fait jalousie. Et puis on tombé babier, tant courrier sorti ici. Ou levé ou sorti, ma grande côté ou aller. C'est doué l'envoisinage, ou al ramasser tripotaille. L'on retourne pita, Djolou tout long comme ça. Bagé mon qui parlait, et puis ou tombé relé. Chaudière pas jamais monté, l'envier fouillé dit feu. Grand courant pétuyé, m'senti pas capable. Chaque 9 mois l'hôpital, non salle maternité. Ou maman c'est petit monde, ou candidat pour 6e. Pas qu'on goûte ça pralé, puisqu'on pas v'lait rêter. Ça sent miséricorde, moi vini fourré comme. Ou gayon vieux pratique, sans machin à cassant. Acheter crédit tout le temps, et puis ou pas v'lait payer. Pour lui mander ou l'argent, pour voyer l'y côté. Tant qu'on bat jamba ou, sans façon pour émerder moi. Faut qu'on tape d'écran, qu'on goût pas salmanard. Et puis faut qu'on tape, plus voir passer qu'été. Pour m'être capable qu'un bé, à qui on femme décloquée. Qui bat moins 5 timounes. Y'a deux qui pas pour moi. Au bas mon vieux beau-frère, qui pas j'emplais travail. Toute la journée chita, tant pour la payer caille. Manger pas jamassé, beau-frère manger en pile. Ma chaîne a quitté ça, me senti pas capable encore. Capable encore, sentim pas foutre, capable encore. Allez.